Clément. Et Tony. Carrément. Tonaille. Pardon, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un que je connais pas, cette personne. Non, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais qui vous ressemblait. Ah, d'accord, qui me ressemble. Ouais, okay. Alors que pas du tout. Un beau gosse, quoi. Oui, c'est ça, complètement. Tu sais qu'on en est déjà à la 12e capsule? Ah ouais? Ouais. Waouh! Wow, ça file. Ah, mais ça file. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit 12. C'est vrai? Ah ouais. À peu près. Ah ouais. Et est-ce que, alors, je vais pas te demander de quel groupe on va parler, sinon tu risques de spoiler pour d'autres. Ah ouais, non, bah ouais. Par contre, on peut peut-être se lancer un petit générique. Bah vas-y, let's go. Arrête-moi hein, quand on a. Bah je suis. Ah d'accord, t'attends que je m'arrête. Bah j'appuie dès que t'es prêt. Pushing the button. Il est incroyable. Et j'essaie de trouver lequel c'est. Ouais. Et t'as pas? J'ai un doute. Ok, d'accord. Bon, quand même, non, il y a, bon, bref. On va parler d'un groupe dont on n'a jamais parlé dans ce podcast. Bah, c'est pas possible. Bah si. Sinon, ah bon? Bah oui. Bah parce qu'en fait, et oui, il y a des groupes qui sont déjà venus au Hellfest, mais qui ne sont pas passés. Avant 2017. Ou 2018. Oui. Ah, c'est ça? Ok. Donc des fois. Forcément. Et puis comme ils sont pas revenus entre deux, voilà. Bon, on les a pas eus. Et ça, c'est un groupe. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Parce d'accord. Que du coup, on est. Ah, ça me donne peut-être un indice. Ah, bah oui, je pense, oui, hein, pas mal d'indices, oui. Bah. Attends, je dis pas de conneries. Oui, je pense que c'est le seul. Oui, c'est le seul. Je dis pas encore. Non, d'accord. De toute manière, je vais le dire dans deux minutes. Donc, ouais. C'est un groupe qui est déjà venu et qui est venu en 2014. 2014. Ouais, okay. Ça remonte. Mmh. Donc, on peut pas trop encore imaginer. Ouais. Je te donne un petit indice. Ouais. Ils vont venir en Warzone. Ouais, du coup, ça m'aide pas complètement. Non, je pense plus, vu l'extrait que t'as mis, j'aurais plutôt tendance à dire... Bah écoute, de quoi on va parler là? De nazi pénis? Non, c'est pas lui. Non, bah non, pas du tout. C'est l'autre, du... merde. Oh, ok, d'accord. Non, on va Stick. Pas. On va pas. Bah vas-y, dis-le alors. Stick to your guns. Elle est forte cette infusion. Ouais. Hein. Donc Stick to Your Guns, qui est un groupe de hardcore, ils disent metalcore, mais vraiment hardcore principalement. Oh, j'ai pas entendu ça. Ah bon? Le metalcore, j'ai pas trop entendu moi. Ah non, moi non plus, d'accord. Qui est un groupe de punk hardcore américain originaire du comté d'Orange en Californie et qui est formé en 2003. D'accord. Donc ça remonte un petit peu. Et donc à la base, c'est un groupe composé de 5 membres. Ouais. Donc de cet endroit du comté d'Orange en Californie et qui se forme durant l'été et en fait c'est surtout à la base le chanteur Jesse Barnett qui s'est inspiré de en fait il voulait former un endroit pour pouvoir exprimer toutes ses idées. Tu vois, donc il avait des messages, des envies, des trucs à d'accord, faire passer. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il a formé Stick to Your Guns. Bien souvent plutôt nominalisé Stig. Okay. Et donc c'est à partir de là que le groupe s'est formé. Et pourtant aujourd'hui, bah il y a plus que lui qui est un membre de l'époque. C'est vraiment le dernier membre. C'est le dernier membre. Okay. Ouais, ça a changé plusieurs fois pendant la carrière du groupe. Ouais. Mais c'est lui qui a vraiment qui est depuis le début et qui a vraiment qui a pas lâché le truc. Et en plus, alors c'est un groupe qui est un petit peu dans le style de Comeback Kid, Init, tout ce genre de groupe là, de bien dans l'énergie, bien dans le truc qu'envoie et qui est du lourd. Et en vrai, c'est aussi, étonnamment de près ce que j'ai cru comprendre, un groupe qui avait un message un peu positif, voire un peu fleur bleue. En fait, il a une manière de voir les choses, lui, qui est très... Donc, j'essaie de très... comment dire? Il essaye de toujours de se dire, faut voir les choses du bon côté. Et c'est ce qu'il essaye de faire apparemment dans ses paroles et dans ses morceaux. Donc, lui, il a cette envie-là de vouloir développer une idée positive. Par exemple, quand il dit que quand il se lève le matin, il a pas du tout envie. C'est la merde. Mais il se dit, faut essayer de voir les bons côtés en disant comment je peux essayer d'améliorer les choses. C'est le meilleur état d'esprit, ça. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Et c'est ce qu'il se dit, par exemple, essayer de trouver quelque chose de positif à faire dans la journée. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire avec sa musique. Et aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, il doit avoir une espèce de librairie à Los Angeles. Un truc où il essaye de réceptionner des dons et d'en avoir pour essayer aussi d'aider les gens. Tu vois, par exemple, quand il a vu tout ce qui s'est passé avec les incendies de Los Angeles, ouais, lui, en fait, il essaye de s'occuper en ce moment de récupérer de l'argent pour acheter des masques pour que les gens ils puissent respirer, parce qu'en fait, à cause des peintures et tout ce qui a cramé, l'air il est devenu complètement toxique. D'accord. Et tu vois, lui il essaye de faire des choses comme ça en fait. Voilà, il essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice, voilà, et son petit coup de main quoi. Ouais, et puis tu sais, en plus dans le truc que j'ai lu, il met vachement en avant le côté comme quoi, par exemple, la France, on est un peu plus avancé que les États-Unis sur le fait, le côté social, le côté aidé. Mm-hmm. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Lui, il explique, tu vois, en France, il va prendre l'exemple comme Paris principalement, parce qu'il a dit on peut se déplacer facilement grâce au métro ou même au transport en commun. Et qu'il dit, tu vois, Los Angeles, t'as des bleds où tu ne peux pas aller du tout. Après, il faut comparer le comparable. On est beaucoup plus petit qu'eux. Oui, mais toi, mais rien que Los Angeles, il explique qu'il y a des endroits où les gens, ils ne peuvent pas du tout partir de là où ils sont. Ouais. Ils peuvent même pas aller faire l'air. Après, je sais plus trop, Los Angeles. Ouais. Tout autour, c'est pas un peu le désert, à moitié. Non, je comprends. Non, mais je suis balèze en géographie. Ouais, je vois. Je vais te laisser là-dessus. Je pense qu'on est bien. Mais donc, tu vois, c'est un groupe qui a un message, qui a une envie de. Enfin, en tout cas, le Jesse, il a envie d'avoir des choses à dire et à défendre, mais principalement, tu vois, dans un côté positif. Ouais. Et c'est ça qui fait vraiment. Alors, je dis pas que tous les autres groupes de hardcore sont pas dans cet esprit-là. Mais lui, voilà, il est comme ça, quoi. Ok. Bah, du coup, ça explique un petit peu certaines choses. Ouais. Parce que, vu que c'est du hardcore et tout, moi, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus bourrin. Ah ouais? Bah oui, mais du coup, vu qu'on veut rester dans une démarche un peu positive, peut-être, ça peut expliquer un peu le côté un peu moins rentre dedans. Après, il y a souvent plusieurs styles de hardcore, et par exemple, l'hardcore new-yorkais est un peu plus dur. Ouais. Celui-là, l'hardcore de Los Angeles et tout ça est un peu plus, j'ai fait un raccourci très très rapide. Mm-hmm. On va dire, peut se rapprocher par moment du certain côté punk à roulette, un côté plus facile d'écoute. Okay. C'est pas le cas, c'est pas du punk à roulette, mais c'est pour donner un petit tunnel rapide. Ouais. Mais c'est là où on reçoit un peu le côté comeback kid, ou justement le côté un peu, j'ai pas envie de dire festif du hardcore, mais le côté qui donne la patate dans le bon sens du terme, même si ça envoie aussi énormément de patate. Oui, carrément. Pour avoir vu comeback kid, pour avoir vu init, OLFS d'ailleurs d'affilée en Warzone, ça envoie. Ça fait transpirer quand même. Ça fait transpirer. On peut prendre des risques, on peut y aller, on peut passer un bon moment. Donc il a cette envie de d'amener un message positif, d'aller vers la bonne façon de faire les choses. Et moi, ça m'a un peu surpris justement, parce que quand t'as une chanson comme, alors si je dis pas de conneries, qui s'appelle Il faut replanter des fleurs, celle-là. Keep planting flowers. Voilà. Okay, continuer de planter des fleurs. Donc tu vois, c'est vraiment, ça va jusque là. Ouais. Donc il pourrait facilement passer un peu pour le côté un peu trop ouais. Voilà. Si tu veux, il est on va dire, lui il est pas dans le premier le bobo du hardcore quoi. Voilà, le bobo du hardcore. Mais donc justement, tu vois, moi aussi c'était un peu une découverte parce que le dernier album est sorti cette année. Et en fait, moi, j'ai entendu énormément de trucs positifs dessus, et je l'ai découvert à ce moment-là. Donc, j'avais pas fait gaffe quand c'était sur la fiche du Hellfest, j'avais pas relevé, j'avais pas été écouté. Mais donc, moi, j'avais été écouté ce dernier album que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, putain, ça, c'est du hardcore comme j'aime bien et comme j'adore. Ouais. Et donc, j'ai été un peu replongé dans le reste de la discographie. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup ça. Ça envoie, c'est énergique, c'est très énergique, et c'est un peu moins dur, effectivement, comme tu le disais, que d'autres styles de hardcore. Ouais. Mais du coup, toi, qui es pas un mec du hardcore à la base, c'est pas trop ton délire. C'est pas trop mon délire sur Qu'est-ce le papier, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a eu du changement en fait au fur et à mesure de l'écoute. Tiens donc. Parce que tu vois, alors moi, j'ai commencé par le premier. Enfin, j'avais commencé par les populaires au début, donc c'est beaucoup des titres du dernier album souvent. Bien sûr, ouais. Et du coup, j'ai commencé par le premier. Ah là, t'as dû avoir une petite surprise. Alors là, je me suis dit, bon, on est vraiment clairement dans ce qu'il match le moins. T'es un côté un peu plus punk, hardcore, et puis bien rentre dedans. Là, pour le premier album, je trouve qu'on était vraiment dans le côté que j'aime le moins souvent. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais suite à ce premier album, après, il y a eu un changement vocal dans l'interprétation. Il a un peu interprété différemment. Ah ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Un peu plus positif, tout ça. Oui, voilà, plus forbeux, plus forbeux. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bon, je l'ai écouté, voilà. Bon, j'ai zappé, voilà. C'était sans grande surprise, vraiment ce que je m'attendais. Et bon, bah, j'ai pas surkiffé plus que ça. Ouais. Par contre, j'ai commencé à écouter. Alors, j'ai écouté du coup après, parce que j'ai pas du tout se les faire, parce que mine de rien, il y en a un paquet. Ouais, je sais. J'en ai compté combien. Moi, j'avais. Attends, c'est là que j'ai marqué. Ce que j'ai marqué. Non, ça, c'est pas le même groupe. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas ce groupe-là. Si j'ai marqué, il y en a 9. Ouais, c'est... avec voilà, c'est ça, avec ouais. 22 ans de carrière quand même, et le dernier qui date du 10 janvier 2025. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ben donc je suis passé du premier qui était en 2007 à Disobedient là 2015. Moi le premier, j'ai 2003, mais c'est peut-être une erreur. Bah après, moi je suis sur Spotify, ils sont peut-être pas toujours à jour au taquet. Non non, mais c'est après. Par exemple, 2003, album, c'est aussi l'année où ils ont. Oui, moi aussi, c'est un album, mais attends, on va pas s'arrêter à ça. Bref. Non non, mais c'est peut-être. C'est et donc du coup, ben là, je fais. Attends, je revérifie. J'avais pas vraiment l'impression d'être vraiment sur le même groupe, quoi. Parce que je dis pas. Hein, non non, mais ça a vraiment changé. Ok. Tu vois, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins rentre dedans. Mmh. Alors, je vais peut-être utiliser des mots qui sont pas les bons, mais tu vois, du premier album à Disobedient, là, j'ai eu l'impression qu'on allait plus vers un truc. Bon, je vais dire plus accessible, tout simplement. Okay, ouais, beaucoup moins vénère, beaucoup moins rentre dedans. Un petit peu plus. Mainstream? Voilà, je n'osais pas le dire. Mais vas-y. Allez, osons. Il se passe quoi au pire? Ouais, c'est clair. Il va se passer quoi? Ah non, les gens ils vont dire non. Bah, d'accord. Ouais, c'est vrai ça, après tout. Allez. Mais ouais, donc du coup, mais mine de rien, là, ça me parlait un peu plus. Ouais. Et le côté positif que tu dis, eh ben, c'est vrai qu'on l'entend bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a. Je dis pas, attention, hein, ça te caresse pas dans le sens du poil tout le temps, machin. C'est bien énergique, tout ça, mais c'est vrai que le côté positif ressort vachement. Mmh. Donc du coup, ben cet album-là, moi je me suis dit tiens, finalement c'est intéressant. Ils se sont pas enfermés dans ce style-là. S'ils l'avaient fait, tant pis pour moi. Mais le coup là, bonne surprise. Après du coup, je suis passé à tu vois, j'ai écouté 3 albums et j'ai écouté le dernier du coup. Ouais. Et là du coup. Je me suis dit ah on fait un petit peu un retour aux sources là le dernier album je trouve que là ils rentre dedans quand même. Bah ouais. Je veux dire on a un message à passer, il est positif et vous l'allez écouter bordel de merde. Et les fleurs on va vous les foutre dans la gueule. Ouais ouais ouais. Non non mais voilà et ben mine de rien le dernier album j'ai trouvé vachement moderne. Ouais. Même moi c'est pas trop mon style de base mais moi il me parlait bien quand même tu vois. Tiens. Je trouve que voilà autant le premier on était vraiment dans du punk hardcore. Un peu plus pur et dur avec les recettes plus de l'époque peut-être aussi et là on était sur un peu moins punk peut-être quand même j'ai pas trop entendu non je suis d'accord punk. Non, un peu dans certaines rythmiques pour garder un petit peu de l'essence quoi forcément le hardcore est un peu une base punk donc voilà. forcément mais oui. Mais voilà très moderne qui s'écoutait très bien qui foutait la patate la banane donc écoute ça m'a surpris donc plutôt bonne surprise. Est-ce que tu te verrais par exemple en Warzone venir faire la fête? La fête, oui. Parce que là, sais, quand même. Alors, si tu me poses la question, viens faire la fête. Veux venir faire la fête? Oh bah écoute, c'est pas comme si j'en ai pas besoin. Allez, on y va. Est-ce que tu veux une info inutile? Ouais. L'album True You, donc qui est le, si j'ai pas de conneries, 4, 5, 6, 7e album. Oula, mais oui, d'accord. Donc de 2017, a été élu meilleur album de l'année par les auditeurs lecteurs de la grosse radio. La grosse radio, ok. Voilà. C'est pas si inutile que ça. Non, mais attends, c'est dans. Il faut que je le retienne. C'est dans le wiki. Donc et donc du coup moi j'ai quand même été l'écouter, je me suis dit, oui il est très bien, je veux dire il est vraiment très bien, mais en fait j'ai majoritairement j'ai un peu tout aimé de ce que j'ai trouvé, tu vois c'est un groupe c'est plus ta cam déjà, c'est un peu plus ma cam, c'est vrai que c'est ça c'est là où moi je vais, c'est de là d'où je viens un peu hein. Par contre pour toi c'est un peu plus ta cam en mode tranquille. Ah oui complètement, ouais, voilà c'est ça, ouais tranquille mais qui suffit pour mettre bien. Ah oui complètement. Tu vois un peu à la manière d'un Comeback Kid, c'est des trucs qui sont très bien, très efficaces, mais ça suffit pour que ça soit l'embrouille, ça marche bien. Non okay. c'est super efficace et moi c'est vrai que c'est un groupe que j'aurais aimé découvrir avant, mais aussi ça à la force de ce truc je me suis dit allez on va se challenger tous les deux, je t'ai mis un groupe que tu connais pas, je mets un groupe que je connais pas non plus. Ouais. Et tu vois ça aurait été cool de l'avoir même dans l'édition normale de Road to Hellfest pour en parler en mode hey, regardez ce super groupe parce que je pense qu'il aurait eu des bons suffrages. Du coup ma question elle va être très simple, Tenaille. Du coup tu vas venir voir Stick to Your Guns? Je pourrais y aller franchement sans problème. C'est cool. Y aller donc carrément. Ça veut dire qu'on irait potentiellement ensemble faire la fête. Allez, on va en Warzone, on se met bien, on prend un petit pichet avant. Oh oui, c'est important de se désaltérer. Bah parce que sinon après, tu sais, quand il fait chaud, puis en Warzone, bon voilà, c'est la guerre quoi. Bah ouais, c'est vrai. Bon là, ça va être la guerre, mais avec des fleurs. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, ils en ont planté plein apparemment, donc on va pouvoir. Ah, des fleurs, allez. Et puis si jamais t'as un petit peu trop d'argent, tu peux faire un don à la librairie de Jesse, ça lui arrangerait pour les. Pense un peu aux Américains. Non, mais j'y pense. Le jour où j'ai trop d'argent, j'y penserai. Voilà, toi, tu vois les choses que de ce côté-là, trop d'argent. C'est qu'il y a des gens qui n'ont rien. Et toi, tu parles d'en avoir trop. Non, c'est clair, mais ça, c'est clair. Je pense que attends, je vais me mettre un petit coup de stick to your guns là, parce que. Non, parce que j'ai un peu l'impression que tu vois trop les choses que de par ton prisme à toi. Oui, t'as des problèmes, oui, machin, mais il y en a qu'on a aussi. Ouais, mais c'est vrai, tu vois. Mais c'est parce que là, en ce moment, tu vois, je suis dans mon coin, enfermé dans mes problèmes. Il faut que j'en sorte un peu. C'est vrai. Parce que quand on sort pas, t'as l'impression de baigner dans un jeu de cartes. Et ben, tu sais que mine de rien, c'est exactement un peu ce qu'il essaye d'expliquer dans un truc, parce qu'il lui dit que il répond à beaucoup de sollicitations, il va aider ainsi un tel machin, il va faire tout ce qu'il peut pour aider les gens. Mm-hmm. Et en fait, après, il y a sa mère qui va avoir un problème et il va dire, j'ai plus l'énergie. Ah merde. Donc, à un moment donné, faut être capable de savoir aussi. Protéger pour aller aider les personnes et faire des priorités. Oui, oui. Voilà. Tu vois, comme c'est quoi, on match, on discute, on blague, mais et hop, ouais, on revient bic. On va trouver des solutions. Tonai, merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit dans une prochaine capsule. Je vais repartir plein de positivité, là. Allez. Tiens, tu verras pas, c'est un petit bouquet que j'ai pris spécialement pour toi. Ah ouais? Ouais. C'est gentil, mais je t'en remercie. C'est gentil d'avoir fait semblant que j'en avais un. Ça me touche. Merci, Tonai. Salut. Je t'aime un peu. Non. Beaucoup. Allez. Passionnément. Là, t'es en train d'arracher les. Salut, Tonai. Tchou.